نعم. Donc c'est ça arkanu al-iman. Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans son charh, il a un kalam jamil avec il a détaillé akthar. قال Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, al-iman billah yatadhamman arba'at umur. C'est ce qu'on vient de citer. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique quatre choses. Et ça montre que بعض الناس ils ont une définition de l'iman billah, elle est pas sawab. الإيمان بالله لابد que tu crois en quatre choses. أولا الإيمان بوجود الله. Et ça c'est واضح. هذا الأصل personne le renie. حتى إبليس il reconnaissait croyant l'existence d'Allah سبحانه وتعالى. هذا معروف. إبليس il a pas rejeté cette croyance là. إبليس il s'est égaré, il a pas voulu adorer. أما هذه الأصل c'est que tout le monde reconnaît l'existence d'Allah سبحانه وتعالى إلا بعض الملحدين. Et هذه elle fait pas entrer dans l'islam, ça suffit pas. لكن لا بد منها. Et alhamdoulillah, chaque musulman, chaque mu'min, bien sûr, s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il croit en l'existence d'Allah azza wa jall. ثانيا, الايمان بربوبيته عز وجل. اي ان الله سبحانه وتعالى قال ابن عثيمين بانه وحده الرب لا شريك له. Donc on a la conviction ان الله c'est le Rabb. قال والرب من له الخلق والملك والامر. Al-Rab, c'est celui qui a Al-Khalq, et c'est lui le créateur. Wal-Mulk, il possède toutes choses. Wal-Amr, il gère tout. Donc, nous, on a cette aqida, fil-Lahi Azza wa Jal. Ala lahu al-Khalqu wal-Amr. Wa fil-Ayat al-Ukhra, Dhalikumullahu Rabbukum lahu al-Mulk. Wal-Ladhina tad'ouna min dounihi ma yamlikuna min qitmir. Ça montre qu'il y a celui qui mérite l'adoration, c'est le Rab. Et c'est quel Rab? C'est celui qui a le mulk. فَلِهَذَا فِي هَذِي الْآيَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى il démontre que ceux qui font du shirk, qu'ils adorent autre qu'Allah, que ce soit une statue, que ce soit un mort, que ce soit une tombe. قَالَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مَا يَمْلِكُونَ ils possèdent rien. Ça montre que Allah il possède tout. C'est pour ça qu'il mérite l'adoration. Troisième catégorie, الْإِيمَانُ بِأُلُوهِيَتِهِ أي أن الله سبحانه وتعالى il existe. Le Mawjoud, Subhana, c'est le Hayy, c'est le Qayyum, c'est le Rabb, t'as la conviction que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui guide qui il veut, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui gère tout. Troisièmement, tu dois l'adorer. Et c'est ça l'iman. Ça montre que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il fait du shirk, billahi azza wa jal, shirk al-akbar, هذا c'est pas un mu'min, même s'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. قال شيخ ابن عثيمين أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. نعم. Et c'est ça التوحيد. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. Tu vois le lien entre أركان الإيمان et أركان الإسلام, خاصة le premier ركن الشهادة. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Tous ces versets تقدموا معنا. كذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Tout ça, ça montre أن المستحق للعبادة c'est Allah سبحانه وتعالى. Et il a cité Cheikh Ibn Taymiyyah plusieurs آيات pour démontrer أن الله سبحانه وتعالى c'est المستحق للعبادة. قال إلى سيتكم برسي كذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة. Ça montre أن الرب celui qui a le mulk c'est lui qui mérite l'adoration. Et on est tous d'accord que celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée, le créateur الرب c'est Allah. Donc on doit être tous d'accord que celui qui mérite l'adoration c'est Allah سبحانه وتعالى seul. كذلك قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أي est-ce qu'il donne des associés à Allah سبحانه وتعالى une chose qui crée rien, بل cette chose elle est créée elle-même. فهذا واضح, on l'a expliqué plusieurs fois. Et Cheikh Ibn Taymiyyah كذلك il explique أن المشركون à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils reconnaissaient هذا التوحيد هذا الإيمان أي أن الله c'est le Rabb, لكن ils l'ont pas adoré سبحانه وتعالى. Ils ont eu un problème dans la troisième catégorie, l'iman ou bil-uluhiyya. Et c'est ça l'explication de shahada. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu dire shahada, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Quatrième point,